quais são então os títulos do Jornal do Desporto hoje, João Gomes Dias? Benfica Faz, participação disciplinar. Arconciel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Donc on entame une nouvelle semaine et un nouveau aussi mardi, tout simplement. Voilà, nous sommes déjà mardi et c'est l'heure de se retrouver à partir de 13h30 jusqu'à 17h pour l'émission Music Dance, comme tous les mardis. Donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée. Et puis un petit coucou à tous ceux qui sont en vacances. Voilà, déjà, ils ont encore une semaine encore. Donc bien, courage à vous tous et à vous toutes. Voilà donc, sans plus tarder, on va débuter l'émission avec tout simplement Africa, avec Rose Laurence, et puis suivi juste même du côté du Tropique, avec tout simplement Muriel Dark. Voici donc l'Indiva de Dancing avec Philippe Cadello et puis juste après Survivor. Prémisant des parfumés.

Arc-en-ciel. Samedi 22 avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-ciel organise son bal de la Révolution des œillets. Au 25 avril, au Cravo Vermelho, viens chercher le tien. À la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Jorge Guerreiro, o rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux, nouvel horaire, oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h, pourquoi? Eh bien, discuter, déguster un service snacking sur place. Tu peux déguster ma bifane, moelles, planches à partager et plein d'autres choses. Mais surtout, des petites douceurs. Anda y traz amigo le samedi 22 avril, le grand bal de la Révolution des œillets à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Voici donc le Madison et puis juste après le groupe Freeze. Voilà donc, je vous laisse avec Aïcha, le titre Baby Talk. Et puis juste après, le groupe Modern Talking, Human Heart, Human Soul. We'll be right back. Tout simplement Toi, femme publique, et puis juste après Céline Dion avec la chanson du film Titanic. Yeah. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Arc-en-ciel. Cette chanson, je mène du côté du soul avec tout simplement Fanny J, deux titres différents, et puis juste après Evelyn Thomas. Mmh. terre peut s'arrêter de tourner, mais je n'aimerais que toi. J'aurais beau te chasser de mes pensées, mais tout ramène à toi. Vers la sourde oreille tout nié, j'enchaîne quand t'es dans mon allée. Je demeure, oui je resterai finalement. Je serai à toi. Arc-en-ciel. Que Dieu punit, oh cœur mortel, aide

et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc le samedi soir avec Billy et puis juste après Auripix. Je suis le tous les

La chanson de Chouchou, et puis juste après Jean-Pierre François, le survivor. Chouchou, la belle Chouchou, je suis fascinante, envoûtante, charmante et troublante. Je suis le bijou de vos rêves doux. Merveille de merveille, ma beauté sans pareil, grand fou. sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, un peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Coupé de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. S'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, et elle me dit dans ma sang. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Chansons. Ben voici donc la programmation pour ce soir, demain, mercredi. Voilà donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec l'émission Électrique Choc. Et puis ainsi demain, et bien vous allez retrouver Victor avec l'émission Portugal en fait à partir de 9h jusqu'à midi. Et puis juste après, vous allez retrouver Gloria avec la musique de Gloria entre 14h jusqu'à 16h. Et puis juste après, à partir de 16h, 17h, avec Zik d'ailleurs. Et puis après, vous allez retrouver l'émission de Violette avec Traditionnel entre 18h et 19h30. Et puis juste après, avec Christina, avec son émission pour Fleurs de Fourrure. Entre 19h30 21h. Oui, ça, 21h. Et puis pour le jeudi matin, eh bien vous allez retrouver Vaz de Portugal entre 9h midi avec Archimiro. Donc, eh bien, retour avec les chansons. Et voici Christine Rock avec Premier Frisson. Et puis, juste après, salut tout simplement Soldat Louis. Tout simplement. Avec des femmes et du rhum. Dans un soupir. tête arrière. L'homme des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. L'homme des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, on n'a rien trouvé de mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des romans photo. Une blessure de guerre, qu'une bouteille coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. L'homme des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. L'homme des femmes, c'est ça qui rend heureux. Je viens nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, oh, on n'a rien trouvé de mieux. 3000 du cap, c'est les fois, c'est les glandes. T'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. L'homme des femmes et de la bière, bon de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. L'homme des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. J'attends Adèle. Voici donc Pierre Perret avec Moi j'attends Adèle. Bien, pas besoin de lui faire un dessin, comble de merveilles, pas besoin d'oseille. Et tous les samedis j'en ai l'exclusivité. Elle est pas farouche, et si je veux sa bouche, pas besoin de supplication, d'activer la combustion. Comble de tendresse, mêlée d'allégresse, je l'embrasse dans le cou, je lui fais coucou. Moi j'attends Adèle pour la bagatelle, je l'attends malgré la pluie, car je me souviens qu'elle m'a dit je change à République, c'est pas bien pratique, je tâcherai d'être là-haut plus tard, vers 7h moins le quart. Mais la pauvre Adèle n'a pas de cervelle, je viendrai mon chou, mon cœur, ou bien je t'enverrai ma sœur. Voilà de la frivole, les dernières paroles, et je commence à douter sa sincérité. Mais je suis tranquille, elle est si fragile, qu'à propos de n'importe quoi, elle attrape un chaud et froid, ou bien la maligne s'est trompée de ligne, elle aura pris le Valois au lieu des lilas. Moi j'attends Adèle ou sa sœur Angèle. Si l'une des deux ne vient pas, je retournerai chez moi. Comme il y a ma cousine, il y aura peut-être sa copine. Et comme elle aime bien les durs, je sais que c'est du sûr. Au bar du duc de Nevers, la rue de la Croix-l'Hiver, on boit des bières à la pression. Les robinets sont des boissons. La fille qui sert des petits rosés, elle a le cœur tout cabossé. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cabossé, tombé dans le fossé. Son mec, c'était un zozo, un petit matelot de Valparaiso. Mais entre Brest et Cotonou, parfois les amours se dénouent. Passer le 8e parallèle, Cupidon eut un coup dans l'aile. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Les types qui traînent par ici ont tous la fièvre de Bercy. Il se brûle la gueule au perno, auquel il n'ajoute pas d'eau. La fille qui a le cœur cabossé, ils se battent pour la faire danser. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Cette fille qui dit jamais non, on connaît pas vraiment son nom, mais sur le dos d'un arc-en-ciel, elle vous emmène au septième ciel. Certaines mêlent du cœur à l'ouvrage, mais elle n'est jamais du voyage. Cœur cabossé, lancé dans les étoiles. Cœur cabossé, tombé dans le fossé. Voilà donc après Pierre Perret, voici donc tout simplement Jackie Quarks avec Fils Pain, mise au point. Bon, c'est l'heure où les souvenirs se ramènent, juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème, je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pâles d'une love story, sur l'état d'âme d'une femme sans alibi qui rêve de te séduire. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie pour tous les fous, les malades de l'amour, pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil, une mise au point. Nos vacances au soleil, sous les UVB, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde. La rue des Bernardins, les soirs dans le butin. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, mon premier rendez-vous dans un nightclub désert, avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Tous les fous. arc-en-ciel. C'est aussi ça.

your own. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Franchement, t'as le look coco, et puis juste après, Karen Cheryl. Thank you. just too good to be true. I can't take my eyes off you. sommes donc après Culture Club. Voilà, voici tout simplement Fabienne Thibault avec son titre « Les uns contre les autres ». Jean Joultès avec tout simplement Confidence pour Confidence. Je vous aime, mais confidence, c'est moi que j'aime à travers vous et vous. Voici donc qui s'appelle tout simplement Francis Lalanne avec le titre On se retrouvera, et puis juste après Jamas, un petit titre bien connu avec Rouge et Noir. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Si l'homme me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même tout serait si différent. Stop music. Voilà donc cette chanson de Michel Sardou, tout simplement avec Rouge, qu'on va se quitter, qu'on va se dire bonsoir. Et la fin de musique non-stop jusqu'à 17h. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé tout simplement l'après-midi à ma compagnie. On va se retrouver donc et bien vendredi prochain à partir de 13h30. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. Coulant sur un cahier rouge, comme la mer qui recouvre le désert de Judée. Rouge, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué. Rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché. Étoile au cœur de ce dormeur couché, comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Rouge, comme le feu des tziganes quand les violons s'affolent. Comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge, comme les lèvres d'une femme quand l'amour la rend folle. Rouge, comme le front du menteur qui trahit sur parole. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence qui suit les paroles en musique, comme une symphonie quand elle est pathétique. Rouge, comme la colère d'un homme quand il voit s'en aller. Rouge, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a aimé. Rouge, comme le manteau du Christ que des soldats ont joué. Comme la couleur du ciel quand il va s'écrouler. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence. Elle est pathétique, comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence qui suit les paroles en musique, comme une symphonie. Quand elle est pathétique. Freeze, I'm shaker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Couleur de l'enfer, quand les mensonges.